Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'adoption du règlement 17, l'infâme règlement par le gouvernement de l'Ontario en 1912. Au nom du gouvernement de l'Ontario, je présente des excuses à tous les Franco-Ontariens dont la famille et la communauté ont souffert à cause du règlement 17. C'est le 22 février 2016 que la première ministre de l'Ontario, la libérale Kathleen Wynne, présente aux Franco-Ontariens les excuses officielles de la province pour l'adoption, en 1912, du règlement 17, un règlement qui interdisait l'enseignement du français dans les écoles de l'Ontario à partir de la troisième année du primaire. Engagée dans une lutte sans relâche contre ce règlement, investie dans un mouvement de résistance de tous les instants pour en empêcher l'application, la communauté franco-ontarienne aura finalement gain de cause en 1927, date à partir de laquelle le gouvernement de l'Ontario suspendra l'application du règlement maudit, rebaptisé en Ontario français l'infâme règlement. Dans l'école Notre-Dame, ce que j'ai été là, on l'est enseigné rien qu'en anglais. À part de ça, le vendredi après-midi, de 3h30 à 4h, on avait une leçon de français par une religieuse qui ne connaissait pas son français. C'est de bonheur de dire, mentionnez pas ça. C'était les élèves les plus avancés des Canadiens français qui disaient à la sœur comment prononcer les mots pour qu'elle nous le dise. C'est pas drôle, ça. Mais il n'y avait pas de professeur de français, donc? Non, il n'y avait pas. Vous n'aviez pas le droit? Non. Autrement dit, il était contre l'enseignement du français. Ferdinand Parent, de la région de Windsor, en Ontario, à l'émission « Jean de mon pays » en 1971, pour nous raconter l'incroyable mouvement de résistance de la communauté franco-ontarienne suite à l'adoption du règlement 17, pour nous expliquer aussi le contexte qui va amener à l'adoption de ce règlement. Mon invité est Serge Dupuis, historien, membre associé de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval. Serge Dupuis, bonjour. Bonjour. Quand on écoute un extrait comme celui-là, du point de vue d'un franco, c'est vrai qu'il y a comme quelque chose d'aberrant dans l'adoption d'un règlement comme le règlement 17 en Ontario en 1912. Comment on en vient à l'adoption de ce règlement-là, Serge Dupuis? Bien, effectivement, c'était aberrant pour les gens de l'époque aussi, parce qu'on avait commencé à enseigner en français, en fait, avec l'avenue des colons canadiens français en Ontario. Donc, on avait enseigné pour une première fois à l'Assomption dans la région de Détroit en 1786. C'est la première fois qu'on peut recenser, ouais, là, justement, de l'enseignement en français. Et ça avait continué avec l'immigration vers l'Est ontarien et puis vers Ottawa, lorsque des professionnels se sont établis là quand la ville a été choisie comme capitale du Canada. Donc, on s'est retrouvé au moment de la Confédération avec quand même des écoles primaires qu'on appelait séparées bilingues, oui, à l'époque. Un peu partout dans l'Est ontarien, dans le Sud-Ouest. Le Nord n'avait pas été colonisé encore. Et puis, on avait aussi quelques collèges classiques qui, eux, étaient privés. Et une université à Ottawa, l'Université d'Ottawa, oui, qui était catholique et bilingue, mais aussi privée. Donc, une cohabitation, quand on parle d'école bilingue, ça, l'enseignement se passe à ce moment-là en français, oui, pour les petits francophones, mais ils fréquentent une école où il y a des anglophones, mais chacun est éduqué dans sa langue. C'est ça, en gros? Parfois, pas toujours, en fait. Ouais. C'était parfois le titre qu'on utilisait pour la rendre socialement acceptable, ouais, cette école-là. Et l'idée, c'était qu'on prenait les petits Canadiens français, on leur enseignait en français dans les premières années pour qu'ils fassent éventuellement la transition rendue vers la 7e, 8e année, vers un enseignement entièrement en anglais. Pour au les préparer, secondaire, pour les préparer au high school, ouais, parce que le high school est public ou protestant. Et de langue anglaise. Ouais. Ça, c'est la situation. Donc, est adopté le règlement 17. Je reviens au motif. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en 1912, le gouvernement de l'Ontario dit on va imposer un règlement qui, ouais, interdit l'enseignement du français à partir de la troisième année du primaire? Mais les Franco-Ontariens ou les Canadiens français à cette époque-là ne dérangent pas personne lorsqu'ils ne sont pas nombreux. En fait, ils sont seulement 14 000 en 1842. Or, ils sont devenus extrêmement nombreux avec les vagues d'immigration. On parle souvent de la Nouvelle-Angleterre où il y a eu un demi-million de Canadiens français qui sont allés travailler dans les usines là-bas. Mais il y en a d'autres qui sont allés coloniser de nouveaux territoires dans l'arrière-pays québécois, au Nouveau-Brunswick et dans l'Est ontarien. Oui. C'est beaucoup de monde. Et c'est beaucoup de monde. On était déjà 100 000 en 1881, un quart de million en 1921. Donc, la population population continue d'augmenter. Et les recensements ont démontré que cette population-là ne s'intégrait pas nécessairement à la masse anglo-protestante. Ce qui est hallucinant avec le recul du temps, c'est que les anglophones du temps, la majorité anglophone en Ontario, même si c'est encore un pourcentage peu important, là, les franco-ontariens ne sont pas très importants, mais il y a eu, leur nombre a beaucoup, beaucoup augmenté en assez peu d'années. On voit ça comme une menace. Et on voit ça comme une menace dans certaines régions aussi, parce que dans l'Est ontarien, on est déjà rendu majoritaire. Les comtés de Prescott, Russell, qui longent la frontière québécoise, et à Ottawa, c'est 30% de la population déjà. Et c'est particulièrement là où le bas blesse, où ça énerve à la fois des anglo-protestants qui voient leur pouvoir menacé, et plus particulièrement les Irlandais catholiques, justement, qui doivent non seulement parfois partager des paroisses et des écoles, mais qui doivent aussi parfois quitter des écoles et des paroisses parce que les Canadiens français unilingues sont devenus trop nombreux et nous, on doit décider de fonder des institutions ailleurs. Et on va y revenir sur ces catholiques irlandais parce qu'ils vont être très, très importants dans cette bataille du règlement 17. Ils sont du côté du gouvernement ontarien. Mais juste un petit mot pour expliquer, pour qu'on comprenne vraiment bien pourquoi le gouvernement en arrive à imposer ce règlement. Il y a la menace, nombre croissant dans certaines régions, l'Est ontarien, beaucoup de francophones, ça dérange. Il y a aussi, il faut le dire, l'air du temps, la façon dont on considère ces francophones à l'époque, ça joue ça. Ça joue... Qu'est-ce qu'on pense des... Qu'est-ce que la majorité anglophone du temps pense des franco-ontariens, Serge Dupuis? C'est un enjeu dont on ne parle pas trop au moment de signer l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. On cherche à protéger les droits scolaires de la minorité anglo-protestante au Québec, leurs écoles, leurs commissions scolaires. Mais pour le reste, en fait, on consacre des droits religieux. Donc, en fait, pour que la minorité catholique, puis les catholiques sont majoritairement de langue anglaise au Nouveau-Brunswick puis en Ontario. Donc, on cherche à protéger des écoles séparées pour eux. Mais la discussion, c'est plus ou moins arrêté là. Au fur et à mesure que les Canadiens français sont devenus plus nombreux et plus importants, ont cherché à s'imposer d'une certaine manière ou tout simplement à se voir comme étant chez eux en fondant des paroisses et des écoles de langue française, bien, ça a commencé à déranger. On a commencé dans la presse torontoise justement à dénigrer cette présence-là en disant que ce sont des écoles de qualité inférieure. Ces Canadiens français-là, ce sont des barbares. De toute façon, c'est des gens qui n'ont pas réussi au Québec. Donc, de toute façon, c'est un peu comme le Québec qui verse ses vidanges. De deuxième classe. C'est un petit peu ça, Oui, il y a des termes racialisants qui sont employés justement pour dénigrer cette population-là. Ouais. Donc, on cherche à les mettre à l'écart ou à les intégrer à la masse anglo-protestante parce que ça ne sert à rien à continuer à enseigner le catéchisme. Puis un dernier élément qui fait que le gouvernement ontarien décide de... on va l'adopter, ce règlement-là, c'est qu'il faut se souvenir qu'à ce moment-là, en 1912, il y a déjà 5 provinces au Canada qui ont fait pareil, qui ont interdit l'enseignement du français. Donc, il y a comme une légitimité politique aux yeux de ce gouvernement ontarien de l'époque d'y aller avec ce règlement 17. Vous parliez de cette dimension irlandaise, les catholiques irlandais qui sont vraiment très importants dans cette crise autour du règlement 17. L'une des figures dominantes de cette communauté, c'est l'évêque Michael Francis Fallin. On écoute l'historien Robert Choquette nous présenter un petit peu le personnage à l'émission actuelle en 1984. Monseigneur Michael Francis Fallin, qui sera évêque de London, Ontario, de 1910 à 1931, un oblat, lui est devenu le chef, le porte-parole des catholiques anglophones, surtout d'origine irlandaise. Lui-même était d'origine ethnique irlandaise. Et ce groupe catholique anglophone est devenu un des groupes les plus farouchement opposés aux francophones. Alors, c'est un type qui est convaincu que l'Irlandais catholique est persécuté et opprimé au Canada. Il est convaincu qu'il l'est également dans l'Église catholique. Alors, il se dit opprimé. Il part donc en croisade pour assurer l'épanouissement des siens. Et il est convaincu, comme la mentalité majoritaire de l'époque en Ontario, il est convaincu que l'Ontario est un pays anglais, c'est un pays britannique, de langue anglaise, et le plus vite qu'on va reconnaître et accepter ce phénomène-là, le mieux qu'on sera. Alors, très tôt, vous verrez le gouvernement provincial qui s'est trouvé un allié extraordinaire, et vous verrez, dès 1912, les loges orangistes de l'Ontario, qui sont par définition anti-catholiques et anti-françaises, se sont trouvés un magnifique allié dans cet évêque catholique qui devient un porte-parole zélé, disons, de la cause de l'anglais seulement. Ça, c'est assez formidable comme extrait, Serge Dupuis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas a priori, mais c'est la réalité. Cet évêque catholique irlandais va être farouchement opposé aux revendications des Franco-Ontariens. Pourquoi et quelle importance il va avoir, Mgr Farlane, dans l'adoption du règlement 17? Je dirais que M. Choquette a expliqué une dimension de la question. Du point de vue irlandais, on voulait faire financer les écoles secondaires catholiques. Qui était privé, puis à ce moment-là, qui n'avait pas accès aux subventions gouvernementales ni à la taxe scolaire commerciale. Et on avait commencé justement à autoriser peut-être la 9e et la 10e année dans les milieux qui n'avaient pas de high school, mais ça s'était arrêté là. Donc, à long terme, les Irlandais voulaient que leur régime séparé soit entièrement financé. Et on voyait que les provinces de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Manitoba et au territoire du Nord-Ouest avaient interdit l'enseignement du français en même temps que l'enseignement du catéchisme. Donc, on a fait un amalgame, on s'est dit, les écoles séparées en Ontario sont menacées. Donc, comment les protéger? Bien, on avait une meilleure garantie constitutionnelle que les autres provinces, mais de toute façon, on veut un régime complet. Donc, la meilleure façon d'atteindre cet objectif-là, c'est de s'allier aux anglo-protestants, aux orangistes, et d'interdire le français pour rendre l'école séparée plus respectable. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Il ne faut pas, justement, excusez Mgr Farlane, il déteste les Canadiens français aussi, mais il y a ce long jeu-là aussi auquel on veut contribuer. Donc, Mgr Farlane, en fait, au moment où il y a eu le congrès de l'Association canadienne française de l'éducation d'Ontario, congrès fondateur en janvier 1910, où on réclame non seulement des écoles primaires, mais des écoles secondaires de langue française séparées. Mais là, lui, c'en est assez. Il faut interdire l'enseignement et il le fait dans les mois qui suivent dans les écoles de son diocèse, en 1910. Et ça, c'est vrai que c'est important parce qu'au fond, comme le nombre de Franco-Ontariens, on l'a vu il y a quelques minutes, croît sans cesse, surtout dans certaines régions, l'Est ontarien en l'occurrence, il y a une revendication de plus en plus grande. Cette association est créée en 1910. Donc, les francophones veulent plus encore aller chercher plus de services, revendique l'école française au secondaire. Et ça, évidemment, ça, d'une certaine manière, ça fait partie de l'équation. Là. C'est ce qui provoque l'inquiétude des anglophones. On cherchait à accomplir plusieurs choses en fondant l'ACFEO, c'est-à-dire qu'on voulait clarifier les revendications et les aspirations des Canadiens français. Cette question-là, on ne l'avait pas abordée pendant la Confédération, mais bon, si les anglo-protestants au Québec ont un plein régime scolaire, nous aussi, on devrait y avoir droit, même si ce n'était pas prévu en 1867. Et puis, on aspire à plus. On cherche aussi à, justement, amener le législateur à voir le français comme étant une langue légitime au Canada, puis aussi à déplacer justement le problème, parce que ça fait depuis les années 1880 que les journaux torontois et les orangistes critiquent la qualité de l'enseignement dans les écoles. Puis en particulier, on dit, oui, mais on n'a pas d'école normale en Ontario français. Il en faudrait bien une pour augmenter la qualité de l'enseignement. Peut-être on pourrait mieux enseigner l'anglais et tout ça. Donc, en fait, la solution, ce n'est pas d'interdire le français, mais d'améliorer la formation des enseignantes et d'accéder à la taxe scolaire commerciale pour faire en sorte qu'on ait des moyens d'avoir de bonnes écoles de qualité égale avec la majorité anglophone. Bon, toujours est-il que le gouvernement ontarien décide que écoute ses pressions, qu'il est d'accord idéologiquement de toute façon. Pour lui, les francophones doivent devenir de bons ontariens, ça veut dire parler anglais et être éduqués en anglais. Adoption le 25 juin 1912 du règlement 17 par le gouvernement conservateur de James Pliny Whitney. Interdiction, on le rappelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de la troisième année du primaire, on ne peut plus enseigner le français dans les écoles de l'Ontario. Comment va réagir la communauté franco-ontarienne à l'adoption du règlement 17? On écoute d'abord Markland Smith en parler à l'émission D'un océan à l'autre en 1959. Il est alors président de la Fédération des associations de parents et instituteurs de langue française de l'Ontario. Tout de suite après, vous allez entendre quelqu'un de très connu en Ontario français, l'historien franco-ontarien Séraphin Marion, à l'émission Sur les pas de Séraphin Marion, diffusée en 1980. C'est un levier de bouclier et un peu partout, quand on a voulu, par exemple, que les inspecteurs anglais pénètrent dans les écoles pour faire observer ces choses-là, bien, vous avez les pères de famille qui ont défendu les écoles, qui sont montés la garde de toutes les écoles la nuit, et les mères de famille le jour, pour empêcher l'inspecteur de pénétrer. Et il y a eu des écoles où les enfants sont sortis en masse pour empêcher l'inspecteur de faire son travail. C'était une résistance ouverte. Il y a eu une grande marche ici à Ottawa de 10 000 enfants dans les rues d'Ottawa pour protester et en se rendre à l'hôtel de ville pour protester contre ces choses-là. On me dit, par exemple, que dans certaines écoles, il y avait des manuels français qui n'étaient pas autorisés. Les élèves s'en servaient, le professeur aussi. Mais quand l'inspecteur faisait sa tournée, là, tous les manuels disparaissaient, puis on avait pour une journée ou deux un manuel anglais. Alors, il y aura toutes sortes de tactiques, de stratégies. On vient d'en entendre une de la bouche de Séraphin Marion pour contourner le règlement 17 et continuer d'enseigner en français. Ça va être ça, d'abord et avant tout, la première résistance franco-ontarienne. Et celle qu'on a retrouvée un peu dans toutes les régions, dans les nouvelles écoles du Nord-Est et puis dans le Sud-Ouest, on a cherché justement à camoufler ou à être un peu sournois au jeu. Sauf que dans les écoles d'Ottawa, eh bien là, c'est la guerre ouverte. En partie parce qu'à la commission scolaire séparée, les Canadiens français sont majoritaires. Ils forment les deux tiers. Donc, quand le règlement 17 est adopté, Samuel Genet, le président, se dit « Non, on ne va pas respecter ce règlement-là. Ça ne nous intéresse pas. » Et il y a un délai d'application d'un an. Donc, en fait, l'application commence seulement en septembre 1913. Donc, déjà là, tout le monde prépare son jeu. On commence en 1913. On ne respecte pas le règlement. Ce qui fait en sorte que la commission des écoles séparées perd son accès aux subventions de la province, parce que les écoles sont subventionnées à la fois par la province et la taxe scolaire. On serre la vis. On voit qu'on ne respecte pas, la province voit que le règlement 17 n'est pas respecté dans les écoles françaises, donc on serre la vis. Et ça affecte aussi les Irlandais qui ont des écoles séparées. Donc, c'est à ce moment-là que la minorité de commissaires irlandais à la CESO amène justement une injonction contre le président pour faire en sorte qu'il applique le règlement 17 dans l'école, les enseignants refusent. Ouais. Donc, la cause monte jusqu'à la Cour d'appel de l'Ontario, où finalement, on dit, ben écoutez, il va falloir l'appliquer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et on nomme une nouvelle commission, qu'on appelle la petite commission, qui va justement veiller à l'application du règlement 17 dans les écoles. Puisque la commission officielle ne le fait pas, refuse de le faire, on crée la petite commission. Ce qui est entièrement antidémocratique. Exactement. Ouais. Et ça nous amène à ce qu'on va appeler l'affaire des demoiselles des loges. C'est trop savoureux. En un mot, racontez-nous cette affaire-là. Donc, on avait... Genet, justement, avait embauché les demoiselles des loges. La petite commission avait embauché deux autres enseignantes à ce moment-là. Et justement, les parents viennent soutenir le choix de Genet. Donc, à un moment donné, la petite commission doit accepter et dire, bien, écoutez, on va vous rémunérer, vous pouvez y enseigner, mademoiselle Desloges, mais vous devez respecter le règlement 17. Elle refuse et se présente pour enseigner dans cette école-là. Justement, on les menace d'emprisonnement. Les parents les soutiennent, finissent par déplacer les classes vers la petite chapelle. Sauf qu'à la rentrée scolaire, en janvier 1916, on décide, mais non, c'est notre école. Ouais. On continue de payer nos taxes scolaires. C'est le gouvernement qui nous prive, justement, d'accès à tout ça. Donc, on va aller, les mères et les grands-mères, justement, reprennent l'école Gig. Justement, on dit avec les épingles à chapeau pour permettre aux demoiselles Desloges d'enseigner aux petits Canadiens. Français. Donc, l'occupation, carrément, par les francophones de cette école Gig de la base ville d'Ottawa. Il faut le dire que c'est beaucoup dans la région d'Ottawa, parce qu'il y a une masse critique, que va se vivre le plus fortement la résistance à l'application du règlement 17. Mais aussi, ça va jouer beaucoup dans l'équation. On aura recours, entre autres dans la région d'Ottawa, mais pour tout ce combat contre le règlement 17, on aura recours à l'appui de politiciens québécois. Quel écho va avoir cette crise du règlement 17 au Québec? Bien, ça rappelle aussi l'ampleur de cette migration-là, mais aussi à quel point elle était récente. Il y avait quand même une proportion élevée, je pense au moins la moitié, des Canadiens français de l'Ontario qui avaient vu le monde au Québec. Donc forcément, il y a des liens de parenté qui existent. Il y a de la migration qui se fait des deux côtés de la frontière, beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple. Ce qui fait en sorte que Taschereau, qui a un beau-frère, par exemple, le premier ministre, qui a un beau-frère à Ottawa, en entend parler assez rapidement. L'Omer Gouin aussi a de la parenté dans l'idée de Canadiens français. En fait, il y aura deux premiers ministres, Lemaire Gouin, qui déjà va s'opposer à ce règlement 17, puis Taschereau, qui viendra après comme premier ministre du Québec, qui lui va s'y opposer encore plus farouchement. C'est ça. Gouin en parle au pape en 1913, il fait une déclaration en 1915. L'année suivante, il y a la loi Galipeau qui permet aux commissions scolaires du Québec de verser des sous, justement, aux écoles libres de l'Ontario, les écoles privées qui résistent au règlement 17 et aux commissions scolaires qui perdent leurs subventions, un peu comme la CESO à Ottawa. Oui. Et puis, il y aura Bon, il y aura des poursuites, vous en avez parlé. C'est un sénateur, c'est deux sénateurs, en fait, dont un du Québec qui va être derrière cette poursuite. Oui. Évidemment, la Cour dira que le règlement 17 est valable, continue de s'appliquer. Il y aura une motion, Ernest Lapointe, un autre Québécois, à la Chambre des communes, qui va déposer une motion qui sera défaite également. Mais au bout du compte, après quand même 15 ans de bataille, en 1927, le gouvernement de l'Ontario décide de faire marche arrière, de ne plus appliquer le règlement 17. Pourquoi? Qu'est-ce qui aura été déterminant? On s'est bien rendu compte que, justement, en s'entêtant de part et d'autre, qu'on n'allait pas résoudre la crise. Ça faisait depuis 1910 que ça perdurait, en 1916, le débat à la Chambre des communes. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, on n'arrive pas à régler tout ça. Puis, il y a un peu d'eau qui coule sous le pont. Il y a aussi le pape qui intervient à un moment donné, qui dit aux parents franco-ontariens, vous avez le droit de revendiquer pour l'enseignement de votre langue, mais le gouvernement de l'Ontario peut aussi imposer de l'anglais dans les écoles. Puis, vous, où le clergé, irlandais comme canadien-français, arrêtez de vous mêler de questions linguistiques. Vous êtes là pour l'unité de l'Église, puis votre mission est spirituelle et non pas politique. Donc, à un moment donné, Taschereau, par exemple, qui est premier ministre à partir de 1920, n'est pas intervenu directement ou immédiatement, mais a commencé à en parler à son homologue ontarien. Et lui aussi était tanné. Il faisait partie du gouvernement qui avait appliqué le règlement en 1912 et ça continuait d'être un enjeu. En fait, on voulait signer une entente sur la collaboration pour l'hydroélectricité dans le milieu des années 20. Et justement, Taschereau bien l'associait à l'abrogation du règlement 17 ou la modification de la chose. Et puis, à un moment donné... Et Howard, justement, Ferguson est frustré à un moment donné. Il dit, d'accord, on va faire une commission d'enquête. Et c'est ce qu'il décide en 1925. On va aller voir si, justement, l'apprentissage de l'anglais s'est amélioré dans les écoles franco-ontariennes. Et lorsque le rapport est rendu en 1927, bien, on démontre que non seulement l'apprentissage de l'anglais s'est amélioré, mais on a maintenant une école normale à l'Université d'Ottawa qui forme des institutrices franco-ontariennes. Et les franco-ontariens parlent aussi bien, si pas mieux, l'anglais que leurs compatriotes anglophones. Dernière question, Serge Dupuis. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? On entendait la première ministre Kathleen Wynne s'excuser en 2016. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour les franco-ontariens, cet épisode du règlement 17, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ça? Bien, ça rappelle la longue marche justement pour l'équité des droits scolaires des franco-ontariens. Parce qu'après 1927, on a obtenu, c'est ça, l'enseignement primaire, l'enseignement en français au primaire. Or, pour l'éducation secondaire, ça a pris jusqu'en 1968 pour que ce soit subventionné et ça n'a pas été généralisé à l'entièreté de la province avant les années 1980. Les conseils scolaires de langue française, ça n'a pas vu le jour avant 1998. Les collèges communautaires de langue française avant les années 90 aussi. Et il y en a toujours qui attendent la création d'une université franco-ontarienne qui est annoncée, mais dont les contours, justement, n'ont pas été précisés encore. Donc, d'une certaine manière, il y a un héritage qui se poursuit un peu de cet intérêt résiduel là, pour l'éducation de langue française en Ontario. Serge Dupuis, historien, spécialiste de l'histoire de la francophonie canadienne et américaine, membre associé de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.